Association de bienfaiteurs. Association de bienfaiteurs. Association CNLM de bienfaiteurs. Association de bienfaiteurs. On a dû faire les dièses, fuck les haters, toute leur parenthèse. Dans mon secteur, y'a peu d'élus, me bassinent par la tête. C'est la cahier, faut la pièce, personne ne donnera sa part. J'ai bataillé dans la tête, c'est parler, ils feront pas mieux. On donne la force aux petits frères, tout ce qu'on n'a pas eu. Balafré par le système, écorché par la rue. Association bienfaiteur, le frère a répondu. C'est tout chillant, date il a les objets, j'entends plus. Trop décalé, le cerveau est dans la haisse. Arrêtez de la haisse, donnez-nous la force, on ira prendre le reste. 17 balais dans le rap, faut qu'on transperce. Pour les frères, on hype, on enverra la force, ça vient de la part du Tchex. La base, on l'oublie pas, si t'es champagne signé, là on a des marres, la job, on va le doler, ça finit quelque part. C'est la mentale depuis petit peu en bas des bars. Savez ce qu'il est, j'tar animé par la haine, caillasse les gyrophares. Ça sort d'en bas grand, entouré de vaillants. Frère, j'ai muté dans le rap, j'ai le nouveau variant. C'est en direct, Damien Nord, tu connais le secteur. Attiré par les squads, pas de bande à part, fuck les inspecteurs. Frère, on assume les fautes, on est nous-mêmes, on fait pas comme les autres. Calé dans la chop, on va le doler, on est là pour les nôtres. Ça sort de là où les frères ont ramassé longue peine. Tu connais le thème, on résout les problèmes. Tout est calé dans les dièses, on fait ça sans peine. Rengaine, ça qui tue la zone avant la trentaine. Association, association, la nation, c'est nous la musique. Refuse pas notre invitation. Celui de la tentation, j'évite les francs-maçons sur la rue de la République. Ils veulent boycotter nos deux chillants. Tatila, association de bienfaiteurs. J'ai lâché mon terrain, fin de mission pour les guetteurs. Fini le shit. Que le guetard, petit frère qui nous écoute, on va sortir du ghetto. Le monde appartient à ceux qui écoutent nos morceaux. J'ai pas fait de muscule, j'ai pas de torso. Je viens de l'Argonne, là où personne torto. J'ai vu la drogue découper des gens en morceaux. Des vrais, y'en a plus, alors qu'il en faut, entouré de faux. Faut que ma tête tue la floue. Millionnaire en Nike Air, fuck tes rebooks. J'ai usé mes baskets, c'est pour ça que la bague tourne en boucle. J'ai semé la semence, ma musique fait du seum. Petit, si tu m'écoutes, tu te feras jamais tout seul. Y'a ceux qui réussissent, à ceux qui se cassent la gueule. Appelle pas la police, on va te faire la guerre. Le savoir est une arme mentale de Russie. À force de donner des coups, c'est la loi qui s'endurcit. Ça fait les hors la loi, ça pleure devant un sursis. Mon rap il vient de la rue, pas le temps pour la poésie. Pas le temps pour la poésie, entouré de vrais. Nique l'hypocrisie, Orléans, Amiens, les sars qui s'associent. Je reste à l'ancienne comme ton putain de possi. Ça sort de là où les frères ont ramassé longue peine. Tu connais le thème, on résout les problèmes. Tout est calé dans les dièses, on fait ça sans peine. Rengaine, ça qui tue la zone avant la trentaine. Association, association, la nation, c'est nous la musique. Refuse pas notre invitation. Celui de la tentation, j'évite les francs-maçons sur la rue de la République. Ils veulent boycotter notre son. Association de bienfaiteurs. Association de bienfaiteurs. Association de bienfaiteurs. Association de bienfaiteurs.